Donc nous, on est parti un peu comme d'autres groupes sur la comparaison entre Vigny-Musset et Village Olympique. Et on était assez... on était quatre dans le groupe, mais on a perdu des participants pour nous partir plus tôt. On était assez d'accord sur le fait qu'effectivement, d'un point de vue sonore, mais aussi tout simplement en se baladant, c'était plus agréable à Village Olympique, parce qu'il y avait plus de variations. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, partant de ce principe, on va essayer de voir comment on pourrait insuffler ce qui nous a plu à Village Olympique dans Vigny-Musset. Donc cette variété de situations sonores qui sont très différentes, très variées. Et donc on avait repéré notamment un passage sous un porche qui séparait deux espaces, donc il y avait vraiment trois ambiances sonores différentes. Il y avait le fait que c'était vallonné. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tout ça contrairement à la trame orthogonale de Vigny-Musset qui cloisonnait, qui nous contraint à rester dans les rues en général. On voulait inventer une façon de redynamiser un peu et de faire varier le paysage sonore et aussi tout simplement la balade dans Vigny-Musset. Et on avait trouvé aussi qu'il y avait une différence de niveau en fait, de hauteur à Village Olympique, donc il y avait différentes tailles de tours. Et du coup, on a eu envie de mettre une passerelle, une passerelle qui servirait à la balade et qui mettrait un nouvel espace public, en fait, une nouvelle façon de traverser le quartier. Et donc voilà, on vous fait écouter, puis après on vous dira précisément ce qu'il en est. Si vous voulez voir le chemin que fait notre passerelle, donc elle part de la rue de Lorenzaccio. Rue de Lorenzaccio. Elle longe, puis là ensuite elle passe au-dessus de l'école, en fait, au-dessus de la cour d'école. Donc d'abord dans le silence, puis après, au moment la cloche de l'école sonne. Et là en fait elle traverse un bâtiment. Donc elle passe dans le bâtiment, arrive dans un patio, et puis retraverse un bâtiment et débouche donc plutôt à un carrefour avec le parc... Le jardin des poètes. Le jardin des poètes. Mmh. Et donc voilà, vous l'avez vu, mais je ne sais pas si vous voyez très bien d'ici. Et du coup, c'est ce qu'on voulait montrer, en fait, c'était les effets de compression de l'espace qui fait qu'il y a des moments où ça va être beaucoup plus réverbérant. Des fois, on entend plus les basses parce que c'est plus lointain et que les tours vont comprimer un peu le son. On passe carrément dans un tunnel comme si on avait vraiment ajouré un immeuble et qu'on avait fait passer l'écoutant à l'intérieur. Ce passage-là, en fait, c'est la traversée d'un immeuble entre du coup la cour d'école et le patio. Et du coup, en fait, ça crée un effet. Il y a beaucoup de résonance dans cet endroit. Puis on aimait bien le fait qu'on puisse passer d'une ambiance à une autre, avec toujours le son de l'espace d'avant et du suivant qui continue, mais qui change de couleur un peu. Du coup, c'est un peu comme une rue qu'on aurait dérigidifiée, ouais, et qu'on aurait comme ça fait passer dans les mailles du quartier. C'est que des... Pardon. Comme un lacet public au milieu des espaces qui sont parfois privatifs ou pas, qui permettaient de relier tout ça ensemble. Donc ouais, avec que des enregistrements qui ont été pris dans Vigny-Musset, en fait. L'idée, c'était pas d'agir sur les sources, mais plus sur les lier un peu plus entre elles. C'est vrai que l'outil esquisson permet d'inventer aussi, même si c'est pas forcément fait pour être réalisé, mais ça permet d'imaginer si on devait relier tous ces espaces à travers une marche. Donc là, il manquerait peut-être la marche, l'effet de sol qu'il pourrait y avoir sur cette passerelle, qui pourrait nous servir de guide à travers justement ces espaces, soit réverbérants, soit très ouverts. Ça serait peut-être un point qui pourrait être amélioré. Voilà. J'ai beaucoup de choses qui massage, cette animation, cette circulation. Et ce qui est vraiment magnifique, enfin, moi, je fais tout le temps savoir où je suis sur le passerelle. Et en fait, moi, je me demande, vous avez fait des exporté des morceaux, enfin, des scènes sonores comme ça. Et après, mais c'est assez, il me paraît à l'écoute très fluide. Qu'est-ce que vous avez fait le fondu, en fait, à chaque fois, sur chaque point d'écoute, il y en a 7 tout au long de la passerelle, donc dans chacun des endroits. On les a enregistrés séparément et après pour faire l'effet de traversée on a juste fait des fondus assez longs en fait pour vraiment du coup ça marche bien quand on passe sous les trucs puisque c'est les mêmes sons en fait qu'on entend mais qui changent simplement de couleur donc avec le fondu mais en fait dans la pénétration des cours il y avait une partie qui était voilà il y en a une qui était sphérique donc c'était vraiment un tube creusé et l'autre c'était plus un tunnel c'est pas un tunnel c'est vraiment c'est on enlève deux étages c'est plus comme une terrasse avec deux latéraux oui c'est pour cela en fait ça donnait l'impression que c'est plus ouvert que le premier que l'existant quoi mais sinon je pouvais très bien me placer sur le passerelle Ça demande pas trop d'intervention au final. Petit trou dans les murs. Oui, voilà, c'est ça. Il va falloir l'accord des habitants ici. Là. Tu m'as préservé. On en a donc toutes nos sources, on en a 1, 2, 3, 4. 5, 6. Mais qui jalonnent, en fait, qui se mettent d'abord. Voilà, c'est ça. Tout autour. Et il y en a quelques-unes enfin, en a qui sont éloignées. Sont... Ouais, voilà, c'était pour l'avenue. Les gros carrefours en extérieur, là. Voilà, qui sont, qui sont très sonores et qui étaient intéressants de les avoir quand même quand on était un peu en hauteur, pour avoir quand même quelque chose qui revenait de loin, du lointain. La passerelle, c'est combien d'étages en hauteur ? C'est pas très haut, hein. C'est 5 mètres de haut, je crois. Ça dépend, on a varié des moments où ça... Au-dessus de la cour d'école, par exemple, ici, c'est 4 mètres et quelques de haut. Donc, ça fait, je sais pas, 2 étages, peut-être ? Non, moins. Ça fait un étage. Un étage. Donc, c'est un peu... Mais ça, ça varie. Ça varie selon ce que ça franchit en fait. Ça franchit des frontières et du coup elle s'adapte à... Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous.